بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 15e leçon, première partie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu wa salam, ar-Nabiyyina Muhammad wa ahl wa sahbi, wa man ittabahum bi ihsanin illa yawm al-din, amma ba'd. Al-Asila wa lan. Amman sa'al al-muraqib. Sa'al al-ghiyab al-talibayn. عن ايش؟ غياب الابصاص غياب الطالبين. ماذا قال المراقب للمدرس بالنسبة إلى إبراهيم؟ قال المدرس لا يسمع له بالدخول وليذهب إلى المدير. من الذي عطس؟ حمد الله بعد العطاس. وابد الهادي ما حمد الله ولذلك نصحه المدرس. عفوا. طيب ما هو إذا؟ ظرف زمن تفيد الشرط وبمعنى المستقبل. نعم تفيد الشرط معنى الشرط وتدخل في الغالب على الفعل الماضي وتفيد معنى الاستقبال وقد يدخل على الفعل الماضي مع جوابها في الماضي أو جوابها في المضارع وقد يدخل على الفعل المضارع وجوابها في المضارع أو ماضي. طيب ومتى يقترن بالفاء في الجواب؟ إذا كان جواب الشرط جملة اسمية. نعم. وفعلا طلبيا. نعم. في الأمر والنهي والاستفهام. وإن كان جواب الشرط فعل جامد مثل ليس أو ما نافية. أو ما نفيه أو قد سنو السوفة ولن. طيب في تمارين فعيل هذا كم أرض السنة طيب صح. اثنين وثالث. أقل إذا في جملتين أن يكون جوابها خاليا من الفاء. إذا فطر الصائم راجع القوة. نعم. ثانية. إذا رجع المطر فرح الفلاح فرحة. طيب الثالث عليك. أولا الجملة الأولى الجواب جملة اسمية. إذا دعا الداعي إلى بدعة فإنه مكشوف. أيوة. ثانيا في الأمر تفضل أنت. إذا تأتي إليك شبهات فارجع إلى علماء السنة واسألهم عن الدليل. لأن اليوم نرى يوم دي شبهات يجي يوم صالون مي سيغ فوا سافوار سو صالون لا ريزون بانون سكي دي Ils ont pris le col du savon comme étant une hujja en elle-même. Voilà ce qu'on entend, Yakul, Wasalu al-Dikr in kuntum la ta'lamun. Et demandez aujourd'hui un rappel si vous ne le savez pas. Il n'a pas dit Wasalu al-Ulama. Il a dit al-Dikr, les gens du rappel, c'est-à-dire qu'ils te donnent la preuve de ce qu'ils disent. Hein? Mais ça, c'est une chose qui n'est pas vraiment kitsch chez beaucoup de gens, hein, c'est en fait. Thalifan. إذا خرج الطلاب فليرجعوا إلى المعهد قبل غروب الشمس. نعم. إذا رأيتم الخبيثات فلا تنظروا إليهم. طبعا. سندخل في درس الخامس عشر وهو يتعلق أيضا بالجوازم التي تجزم فعلين اثنين. بعد ما أخذنا التي تجزم فعلا واحدا وهي لم ولما ولا النهي ولم الأمر، الآن سنأخذ جوازم أخرى دو جوازم كي رونتر دون دو فيرب كي يجي سور دو فيرب دافيلي سور لو فيرب شرط و سور لو جواب شرط. سأقرأ المدرس أنت ياسر أنت نعمان أنت المراقب وأنت إبراهيم وأنت أحمد. طيب يا ياسر إنك غبت أسبوعين كاملين، إن عبت بعد هذا تفصل، فإن اللائحة تنص على أنه من يغيب أكثر من أسبوعين يتوى قيده. Donc il dit oh Yassir, tu as certes été absent deux semaines entières. Si tu t'absentes encore après cela, tu seras renvoyé. Car Al-La'iha t'annonce, c'est-à-dire le règlement, le règlement stipule que celui qui s'absente plus de deux semaines, il s'en va. Il n'a plus de bagage. Il l'a envoyé. Je ne m'absente plus après cela, Inch'Allah. Combien de fois m'as-tu dit cela? Je ne m'absentais pas si ce n'est pas avec une excuse. Si ce n'est avec une excuse. Dans le sekoul. Mahma yakun il ouf, falan yukbala bad al-an. Donc, on dit, quelle que soit l'excuse, elle ne sera pas acceptée à partir de maintenant. Mahma, c'est quoi que? C'est parmi les jawazim, c'est Inch'Allah Fidars. Il y a un troulou et normal. Un normal, il y rentre. Man jaabu ta'akhiran, fala yatroul, hatta yasta'adin. Celui qui arrive en retard, il ne rentre pas jusqu'à ce qu'il demande la permission. ألا أسيف رأيتك مشغولا فدخلت حتى لا أشغلك. Donc il dit je suis désolé, je t'ai vu occupé, alors je suis rentré afin de ne pas te distraire, c'est-à-dire dans ton occupation. Il y a trop le moroque, le surveillant rentre. هاؤم يعلم من هذه خمسة كتيبات مفيدة تحوي قصصاً إسلامية، فمن يقرأها ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله جائزة، فمن أراد أن يشترك في هذه المسابقة فليسجل Donc il dit, voici une annonce importante. Voici cinq livrets. Kutayyib, c'est un petit livre. Kutayyibat waljam. Cinq petits livres profitables qui comprennent des histoires islamiques. Kessas, jam, kessa. Alors celui qui les lit et qui répond aux questions exposées à la fin, c'est-à-dire à la fin des livrets, il aura alors une récompense. Ja'iza, c'est une récompense. Et celui qui veut participer à ce concours, alors qu'il inscrive son nom, chez moi. Donc là, on voyait un peu l'ambiance de la Jamia Islamia. Le concours avec des récompenses. Ya Sheikh, la najiduka fi maktabika fi kasirin min al-ahyan. Il dit, oh cher, nous ne te trouvons pas dans ton bureau dans la plupart du temps, ou dans beaucoup de moments. يا فدين فضيلة فضيلة الشيخ إن عبد الله في مكتبي إن اعتذر إليك أفتسمح له بالدخول. Donc il dit, si vous ne me trouvez pas dans mon bureau, alors vous me trouverez dans le bureau du directeur. Après il s'exprime auprès du professeur en disant, oh, votre grâce, cheikh, Saint Abdullah est donc mon bureau. Si il s'excuse auprès de toi, est-ce que tu lui permettras de rentrer? Vous avez sa coule naam. Yakouj et Morakim. Morakim, ça va. Ça. Ya Ahmed, ikra al-ayat al-walida fi ad-dars. Donc Ahmed lit les versets exposés dans le cours. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Donc après avoir fait l'istirahada et la basmala, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens relatif rapproché, pour vous qui avez cru, si vous sauvez Allah, Allah, si vous secourez Allah, Allah vous secourra, et il l'affirmera ou il raffermera vos bas. Ouda, yansurullah, Allah est convaincu qu'on secourt. Le sens, c'est secourir sa religion. Tamam. Vous voyez? Ben Allah ou al-Nasir. C'est Allah al-Nasir. Et quand on dit Tansurullah, Allah n'est pas besoin qu'on le. Mais c'est le fait de secourir sa religion en l'appliquant, en la préservant. Ibrahim. Limaza, juzimatil afalu al-walida, fiazil aya ya fadlat shaykh. Donc il dit pourquoi les verbes exposés dans ce verset ont été rendus majzoum au shaykh. Donc c'est cool. In adatu shartin tajibu fi alayhi nahu in tashtahi tajah in tadhab ila souqi adhab ma'ak wa yusamma al-awwal fi shart wal-akhar jawab shart wa fi al-ayat al-kalimati fi shart tansuru wa jawabuhu yansur. والفعل يثبت معطوف على ينصر أرجو أن تكونوا قد فهمتم أن تستطيع أن تذكر آية أخرى تحوي إن يا ياسر. Donc Moudaris dit إن c'est un outil de شرط. Vous voyez, on vient de faire un شرط qui rend deux verbes majzoum. تجيب فعلين معنى deux verbes sont rendus majzoum. À l'exemple de إن تشتهي تجار, si tu fais des efforts tu réussiras. Intadab les souk adab marak. Si tu vas au marché, je vais avec toi. Et le premier verbe est appelé verbe short, de condition. Le verbe de condition. Et l'autre est appelé réponse aux conséquences de condition. Et dans le verset, dans les nobles versets, le verbe de condition c'est tansuru, vous secourez, si vous secourez. Et sa réponse, c'est-à-dire sa conséquence, il secourt, c'est-à-dire Allah, bien sûr, le commandant. Attention. Allah, bien sûr, le commandant. Allah, bien sûr, le commandant. Et le verbe, yusabbit, est raffermi, ma'touf, Allah, bien sûr. C'est-à-dire, il vient faire un waouh, de atf, sur bien sûr. J'espère que vous avez compris. Est-ce que tu peux citer un verset, un autre verset comprenant in ou yasir? Naam, bi'awnillah, wa ta'ala wa in taruddu na'ud. Donc yasir dit oui, je peux être l'aide d'Allah. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans son surat qui va approcher, si vous recommencez, nous recommençons. Ahsanta, ayyumkinuka taskur ayatan ukhra ya Nu'man. Il dit, tu as bien répondu. Tu as bien fait. T'est-il possible de citer un autre verset au Norman? Naam, bi'awnillah. Qala ta'ala. Wa illa ghafirni wa tarhamni. Ah oui. Wa illa taghfirni wa tarhamni. Akun min al-khasirin. Donc il dit oui avec l'aide d'Allah. Qu'Allah Allah Ta'ala, dans le sens relatif à approcher, et si tu ne me pardonnes pas et tu ne fais pas miséricorde, je serai certes perdant. Masha Allah. Illa huna asluha id wa la nafiya. Donc il dit Masha Allah. Ici là, le mot illa dans le verset, quand il dit wa illa tarfilli, en fait c'est. Son origine c'est in avec la nafia. En fait c'est in et la après. In et la. Donc on a fait les droits, on a fait in dans la. On fait in la. Ahmed. Athamata adawat akhra ajzum fi'lan yastab. Est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, outils de jazm qui s'appuient sur deux verbes au professeur? Dans le sekoul, na'am, in, harf. Wa hunaka asharatu asma'in tajjibu fi'alayn. Donc il dit in, c'est un harf, c'est une particule. Il y a également 10 autres noms qui rendent deux verbes majjoum. Ahammuha, les principaux sont man, bi ma'na ki, akinaw ma'u istifan. Nahu, fa ma'in ya'mal iskar la dharratin khayran yara. Et quiconque œuvre, ne serait-ce qu'un grain de moutarde de bien, il le verra. Zeman par là quiconque en fait. Ou qui. Wama nahu wama tafalu min khayrin ya'lamuhu Allah. Donc la main, et ce que vous faites comme bien, Allah le sait. Wama ta également. Nahu mata tusafir nusafir. Quand tu voyages, lorsque tu voyageras, je voyagerai avec toi. مثلا واين نحو اين تسكن اسكن او تبي je vivrai التبي ودي ما يا اسم استفهام يا اسم شرط وكثيرا ما تلحقها باء زائده للتوكيد نحو او اينما تكون يدرككم الموت donc il dit et également beaucoup d'entre elles on leur ajoute ما زائده اما qu'on rajoute à la fin de ces noms short. L'itokid, pour l'affirmation. Dahu, où que vous soyez, la mort vous attrapera. Donc la aynama, mana ayna. Vous voyez, on a aynama, mana ayna, wasnama. Ay, nahu, ayyemur jamin, et donc parmi les asma short, je vous rassure, ay, nahu, ayyemur jamin tajid, fil maktabati, nashtari. Donc il dit, quel que soit le dictionnaire que tu trouves dans la librairie, nous l'achèterons. Mahma, également, parmi les asmachot, nahu, mahma ta'ul, nous soddiq. Quoi que tu dises, nous te croyons. Ifhamu hada ders jayidan. Comprenez bien ce cours. Faman fayma hada ders, faman fayma dulusan kathira. Et celui qui a compris ce cours, a certes compris beaucoup de cours. L'idersun idafiyun adel masa. J'ai un cours, on va dire, en plus, supplément, en supplément, en fait, cet après-midi. Faman arada an yastafida fayahdur, wa man lam yahdur falaysa bimaloum. Donc il dit, celui qui veut profiter alors qu'il vienne, et celui qui ne vient pas ne sera pas blâmé. Ahmed. Inch'Allah. Nous allons tous venir, Inch'Allah. Mata ta'toun, quand viendrez-vous? Et quand tu viens, on vient. Sa'ati et sa'ati la rabi'ata, Inch'Allah. Je viendrai à 4 heures, Inch'Allah. Dans quelle classe nous essayons? Ayifos najid khaliyen najisfi. Quelle que soit la classe que nous trouvons vacante ou vide, nous essayons dedans. Nous les prenons place. Asila, Yakul. Manellazi Roba Uzbu'in. Qui est celui qui s'est absenté durant deux semaines. Fahandien. Manellazi Djabuta Akhiran. Maza Kalalaoul Mudarris. Qui est celui qui est venu en retard et que lui a dit le professeur. Fahalithan. Fiisa Atin Yatil Mudarrisu Lidasi Lidawfi. À quelle heure viendra le professeur pour le cours supplément? En supplément. Jisouna. هذا الدرس كما قلت لكم يتعلق بالجوازيم التي تجب عليه. Ça concerne les jawazim qui s'appliquent sur deux verbes, ashart ou jawashart. Et ces règles sont les mêmes que idha, que le verbe shart peut être mudari. Et le jawashart peut être mardi, le contraire. Que le verbe shart peut être mardi ou le jawab mudari, ou tous les deux pareils ou l'inverse. Mais c'est idha. أنا الفقمة إذا الفقمة إذا في المعنى وفي الإعراب أما أحكام مع فا كذا نفس الشيء نفس الشيء نفس أحكام إذا فما نحتاج نعيدها وفي المعنى معنى يختلف كل عدد شرط له معنى أما من حيث الأحكام سواء الفرق في المعنى والإعراب لا تفرق في الإعراب parce que là أدوات جزم تعمل أدوات خبر ou également également dans le sens parce qu'ils ont chacun un sens différent c'est le reste des règles c'est comme Ida c'est la même chose yakun shart ou jawab imma mudari'in soit deux verbes mudari'in nahu wa in ta'udu na'ud si vous recommencez nous recommençons فهنائن طيب حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من اعراب وتجزم فعلين تعود فعل شرط طيب فعل شرط مجزوم بإن وعرض جزمي حرف النون لانه من الافعال الخمسه تعود ها ليس تعود تعود تعود إذ تعودوا نعود هو الجماعة أداة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل ونعود أداة في جواب شرط مجزوم بإن ورد جزمه السكون وفاعل ضمير مستتر تبديله نحن وكسر إن وإن حرف طيب إن حرف c'est le principal adat de chant. Fanyan, imma mardiyayn, que les deux vers sont tous les deux au mardi. Nahu, wa in ruddum udna. Voyez, si vous recommencez, nous recommençons aussi également. Nasma'na, amma al-fok al-an, al-fir al-an mardi. Fauna takul, l'anil waw bi hasma kablaha, in haf jad mushart, tajib fi'anayn, mabni la sukun, la mahal lahu, min il-arab. عدو هذا فيه ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير في محل جزم طيب في محل جزم هو في شرط شرط في شرط وثابت ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل وميم علامة الجر وعدنا هذا جواب شرط في الماضي مبني على السكون في محل جزم ونا هنا هذا ضمير متصل بمنير السكون في محل رفع فاعل ثم يقول وإما ماضيا ومضارعا استديع سواء في شرط يريد ماضي إلى جاب شرط ومضارع كم إذا نفس سلمة صملاج من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه طيب نزيد له في حرثه Et celui qui veut, comment dire, harfuna, il a mis une bonne rétribution dans l'autre monde, nous lui rajouterons dans sa rétribution. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, harf, à ce moment-là. Là, mais là, c'est filakhira. Ben là, c'est un sens de récompense, tu vois. Le fruit de ton travail, en fait. Bien rétribution. Non, je pense qu'on dit rétribution. Donc là, nous allons lire le Shahid. Ou là. Ou là, Adat Echart ou Man. Vous voyez, Man. Adat. اسم شرط مبني على السكون لكن الان الاسم له محل لانه معرب يعني لو يعرب ومبني لكن لو يعرب فهنا من في هذه الجمله وفي محل رفع مبتدا في هذه الجمله من هنا في محل رفع مبتدا كان هذا فعل ناقص مبني على فتح في محل جزم طيب وفي شرط من وصوم اسم ضمير مستتر تبديله هو ويريد حرف الاخره يريدون في مضارع مرفوع تجرد يعني ناصب وجازم مرفوع رفعي الضمه et le fi'l avec son fa'il يريد ça c'est في محل ضم خبر كان طيب خبر كان كان يا اسم خبر صح الاسم في الضمير المستتر اسم خبر في الجمله الفعليه حرف هذا مفعول به ومضاف والاخره مضاف اليه ونزيد هذا جواب شرط de كان من c'est le adat شرط كان c'est في الشرط الاول وجواب شرط c'est نزيد celui-là, le deuxième, majzoum. Voyez, majzoum biman. Ou alors, jazmi, as-sukun. Ou le fa'il, d'un même sortir, t'en dis-le, nahnu. Ou là où, aza, jar majour, mouta'alikon du mada. La, d'astarjil. Fakir, j'allais dire comme un toujib. La, d'astarjil. C'est pas ça, mais pour entendre une réponse correcte, Inch'Allah. Mouta'alikon du mal. Mouta'alikon Nazid. Non, il est fiable, Nazid. Tout simplement. Voyez. Rabi'an, parmi les assemblages entre les deux verbes, imma moudari'an, fa mardi'an, c'est-à-dire, fi'al shart moudari'an, et jawab shart mardi. نحو قوله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له هنا الشاهد هنا من عدد شرط اسم شرط مدينة السكوت في محل رفع مبتدا يقوم على فعل شرط مجزوم بمن ورفع جزمه السكوت ليلة عدد ظرف عفوا والضمير والفاعل ضمير مستتر تبديله هو وليلى ظرف زمان اي منصوب بالفعل وعلامه نصبه الفتحه وهو مضاف والقدر مضاف اليه ايمانا ساسيا حل ولا باكو كي الحل اللاعب غفر غفر غفر له هذا جواب شرط غفر له ومبني في محل جزم في الماضي مبني اذا سافر مغير الصيغه سافر مغير الصيغه غفر له فغفر هذا هو جواب شرط في الماضي مغير الصيغه مبني على فتح في محل جزم جواب شرط دو من Hein? Pas lui mettre soukoun. Voilà. Ça fait le mardi. Le mardi même dit. Pourquoi tu mets sur soukoun? Nazid. On n'a pas lu Nazid. Nazid, c'est un film d'or, rien. Ah, il y en a. قال وهذا قليل فسي بو كو تروف ان فيل شورت مضارع هو سو جواب ماضي فسي بو يجوز طيب يجوز تبدا مثلا من أدربه بكيا celui que j'ai frappé il a pleuré مثلا فهنا نفس الشيء تقول بكيا أنا أشك الآن إيمانا واحتسابا أسكو سي تمييز واحد ها أهم شيء بضيف أنكم فهمتم على التشرط. الباقي من مستقبل سبال مهم. بس يستموا أصلاً من شك كذا كذا. فهم. طيب. منو التمارين؟ يقول أولاً في كل فكرة بما يأتي جملة. من شك بارتي كاريب لدى فاز. إجهل فعل الأولى شرطا وفعل الأخرى جوابه مستعملا إن. Donc là, vous devez faire des phrases avec in, en utilisant les deux verbes exposés. Anta, elle où là? In tatru buni. Là. In tatru. In tadri buni. Non. Fadri buk. Je sais pas. Adribka. Ayo, adribka. In tadri buni, adribka. Si tu me frappes, je te frappe. Les deux fiers là, ils sont majours par in, et tous les deux, vous devez lire tous les deux avec une soukoun. Thanian. Avec le takoul. Les sassis, nous ne nous appliquons des impieuses, nous rentrerons au paradis. Bismillah. تأكل الطعام. لا ما في ألف ولا. تأكل الطعام فاسدا تمرد. أنت تأكل طعاما فاسدا تمرد. نعم. Si tu manges une nourriture variée, tu seras malade. Donc les deux verbes sont majeurs. Voilà, jasmine, c'est quoi? رابعا إذا تجتهد ترسب أو si tu fais pas d'effort tu échoueras. خامسا إن تسافر إن تسافر لا إن تسافر لا parce que là il va parler hein c'est quoi c'est la vigie تسافر لا أنت Non, parce que là, il a parlé un truc. In tu safiri, ou safir. Non. On a l'awel majdoum, alors jazmi, hafad non. La noum la khala khamsa, ou athani bisoukoun. Ça, dit ça. C'est-à-dire, si tu voyages toi, la femme, je voyage moi. Déjà, sa soeur, ou c'est. Bahram. Ça, dit ça. In tanaf, moubakira, tasta yipriz moubakira. Si tu te couches tôt, tu te lèveras tôt. وكيل أمة مجزوم على ما تجسم بهما السكون سابعا إن تكتب إلي أكتب إليكم Si vous m'écrivez, je vous écris. الأول مجزوم على ما تجسم به حسنون لأنه من فعل خمسة والثاني مجزوم بالسكون ثامنا إن تغيب كثيرا تفوتك تفوتك Non, si tu t'absentes beaucoup, les cours vont t'échapper. Tu vas rater les cours en fait. C'est pas ta faute. Elle a dit ta faute. Ah non. Non, j'ai pas enlevé. Enfin, j'ai pas pensé en. Ah J'ai pas pensé en. Si tu as dit ta faute. Ouais, mais c'est. Ta faute, c'est Bissan qui a parlé. Hein? Moi, dans ma tête, je partais pas. C'est ta faute, non? Tu l'as prononcé 100 mètres. Il est à foutre, hein? Il n'a pas dit ta foutre. Il est à foutre. Il n'a pas prononcé le mot. Aïwa, ta siya? Ça. In tabia, sayaratek, achetaniha. Si tu vends ta voiture, je l'achète. Ok, le mot, le jour, mon ordre. Haram jazmima, hasfar fa'illa. Achira? In. تبقيان تبقيان إن تبقيا في مكة أبقي معكما أبقى معكما نعم si vous restez à Mecca si vous restez tous les deux à Mecca je reste avec vous deux on est l'awel majum ala jazmi hasf al-noun lanou mulak fula khamsa wa thani majum ala jazmi hasf al-fa'ilna hadi 10 إذا لا أكتب Avec ça. Alors, si je n'écris pas, j'oublie. Si tu jeûnes demain, je jeûne. On a qu'il est au même jour. Alors je suis mis à ce coup. Ça dit Sacha? Si tu dis la vérité, tu seras sauvé, préservé. Non, si tu me visites, je te visite. هذا وإن طيب تجمع علينا الأول في الشرط والثاني جواب الشرط طيب ثانيا في كل فكرة ما يأتي جملتان جل في الأولى شرطان وفي الأخرى جوابه مستعملا عدد الشرط المذكورة من القوسين donc là on fait pareil sauf que là au lieu de mettre in on utilise عدد الشرط qui est entre parenthèses à côté et là c'est des asma attention ceux-là sont des asma c'est pas des حروف. Donc les asma, ils vont en Irab. Mais ça, c'est un autre ders. Je vous donnerai le Faïda, là, maintenant, là, quand on fait l'Irab, mais savoir comment ils sont en Irab, ça, c'est un autre ders. Vous voyez, mais je vais le Oula. Yakul, Yaribu Aksala Bin Usbu'in, Yufsalu. Yaribu. Là. Yaribu. Aksala Bin Usbu'in, Yufsalu. Dit celui qui s'absente plus de deux semaines, il est renvoyé. On a man, et on te l'a. Vous voyez, man ou na, même ni la seconde, si mahal raf, on te l'a. Thanyan, ta'koul, a'koul. Mad, koul, a'koul. Non. Donc ce que tu manges, je mange. Et là, ma, c'est un t-shirt, si mahal naf, me faut le bim ou kottam. ثالثا عندك نقرا ولد تكونون ازوركم ان شاء الله اينما تكونوا ازوركم ان شاء الله نعم او vous soyez je vous visite ان شاء الله ولا اينما اللي في محل نصب ظرف مكان من لا يرحم لا يرحم Non. Celui qui ne fait pas miséricorde ne sera pas miséricorde à lui-même. Donc là, on a man, fi mahal mada, rof, muntada. Khamisan, ta'oudu, a'oud. Mata ta'oud, a'oud. Quand tu reviens, je reviens. On a mata, même dit la soukoud, fi mahal, naf, zarf, zaman. طيب ثالثا تجلس اجلس اين تجلس اجلس نعم فهنا اين على تشرف على الفتح في محل كي دوين كي نتخوب الجواب الريبونس اين في محل النصب ايوا ماذا اين تكون تجلس اين في محل النصب ماذا في محل النصب اسمه سابعا تقرأ أقرأ مهما تقرأ أقرأ quoi que tu lises je le lis فهنا مهما اسم شرط مبني على السكوت في محل نصب مفعول به مقدم ثامنا يتوب إلى الله يتوب عليه الله من يتوب إلى الله يتوب عليه الله أيها Celui qui fait pour Allah, Allah accepte son repentir. On a man, fi mahal, raf, muntada. Tasi'an. Man yushrik billah, yadkhul jannah, an-nar. Oh, tabi. Aïwa. Celui qui associe Allah, il entrera au feu. Naman, ism shart, mabni ala sukut fi mahal raf, mubtada. Ashiran. Yanjihu bi taqdiri mumtazin. Yahsulu ala ja'iza. من ينجح بتقدير نجح من ينجح بتقدير ممتاز يحصل على جائزة. نعم. Celui qui réussit avec de bons résultats obtiendra une récompense. De quoi bien. C'est pas. On l'a dit, c'est pas attendu, tu vois. Mais c'est un truc qui peut corrompre ton attention. Ça fait con. C'est pas une bonne façon de faire. Pour les enfants, on l'inverse, ils disent pour les enfants, pour les petits, pour les encourager. Mais pour les grands, c'est pas une chose qui est encourageante. Tu vois, il fait bien les choses, tu touches Giro, tu l'encourages, tu le félicites, tout ça, mais tu dis tiens, t'as fait un connerie, tu donnes 1000 euros. Tu veux le sortir des gens du palmier. Hein. J'apprends le connerie, comment tu le donnes? C'est pour toi, c'est pas le connerie, c'est pas. T'as vu son but quoi, d'apprendre quoi? Elle n'a pas d'argent, hein, pour être engagé pour travailler dans la situation machin, kaza, wakaza, wakaza, il va bien faire ça. Je vais prendre le boucher en 2 ans, comme ça, après je pourrais être professeur, tel truc. Ouais, c'est un bon plan, ça. Je sens bien, ça. Donc, déjà, Isa, les récompenses, c'est pas la meilleure chose. La meilleure façon de pousser un talib à avoir de bons résultats. Parce que je lui ai pas de récompense, il va rien faire. Bah, t'en as plein là, actuellement, là, comme ça se passe dans cette fête actuelle qui passe sur Shayakha, et tu les vois, c'est des enseignants à Oum el-Qura comme Ahmed Bezmoul ou Al-Bukhari ou Foulen ou Foulen à Al-Jamia Islamia, tout c'est leur boulot, hein. Et comme l'a dit Cheikh Rémi, demande le taper, on va voir ce que tu vas faire comme da'wah. Cheikh Rémi, il prend pas un sou de ce qu'il fait. Du matin au soir, il enseigne, il est là sur sa chaise, plus que sans compter ce qu'il fait à côté. Il n'est pas payé dans ce qu'il fait, lui. Lui, ce qu'il fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, quand ils leur payent, c'est fini. Ils sortent plus de leur maison. Peut-être ils voient un truc par là, un truc par là. Ou tous ceux qui sont là avec qui veulent les associations, par exemple. Les Dorats qui disent, ouais, faites des associations, faites des structures, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Par exemple, l'autre, il est au Maroc. Il est venu en France. Comme certains, là, qu'on les voit là, en France, là, quand on parle de jour. Comment il est venu en France? Tu vois que le billet est payé lui-même de sa poche, son billet. Et quand il arrive, il peut manger lui-même de sa main. Il veut qu'on le nourrisse. Il voulait être engraissé, tu vois. Donc il dit, ouais, les frères, c'est quoi? Faut des structures, faut qu'il y ait des dorades, faut qu'il y ait des gens. En fait, il veut dire, accueillez-moi. Et il sait que les frères ne vont pas donner comme ça. Donc faites quoi? Faites des structures. Faites des associations comme ça, moi je peux venir. Moi j'ai mon pays, je fais da'wah. Et tout est gratuit pour moi, je suis moutard. J'ai rien à payer. Moi ça m'arrange. Et je fais de la joie, je vois du paysage, je rencontre des gens. Et tout ça gratuit, mashallah, moutard. C'est ça qu'ils arrangent. L'autre il est là-bas, il veut le faire, je sais pas moi. L'autre il est au Canada, à Montréal. Il veut aller en Afrique. Tu vois qu'il n'a pas eu de sa poche, son billet. Sûrement pas, mon frère. C'est la Djamaya Foulana qui va tout le payer. Alors lui, il est content. Donc quand tu dis, attention, faut pas les faire. Non, faut pas. Pourquoi faut lui? Ah ben, s'il n'y a pas de station, je vais pas bouger. Je vais faire d'Awa, d'après lui. Et après, il fait lui sa billet là. Il va dire, non, c'est pas mon frère, tu veux faire d'Awa. T'as de l'argent, prends ton billet d'avion, il va pas faire d'Awa. Ou si un frère, ça d'accord, je vais aller au Khaira, il t'aide. Tu vois, on deux frères entre eux, mais toi t'encourages une structure qui est innovatrice, pourquoi? Pour ton confort à toi, ou pour ton intérêt à toi, ou je sais pas quoi, ça c'est pas ma poule. Il y en a beaucoup de ça qui vont. Ils veulent des structures parce qu'ils ont l'intérêt derrière. Ça les arrange. Ou des gens qui veulent, comme quand t'as par exemple une mosquée, faut payer des frais. C'est lourd à payer, hein. C'est lourd, hein, faut dire, hein. C'est pas facile, hein. Faut le car là-bas, faut payer l'eau, faut payer Gaza, payer Gaza. On a passé de l'argent. On fait quoi? Un Jamaïa. Comme ça, c'est l'État qui paye. On fait des dons et voilà, c'est des potins. Nous, on vient, on fait la route bas, on fait l'écho. On a rien à payer. Ben, quand les gens font des dons, tiens, un petit peu dans la poche. Tout ça, c'est quoi? Assad Dunia. Tout ce qu'ils veulent. Je veux d'Arwa, mais je veux pas dépenser moi. Dépenser pour moi. Ouais, c'est pas cette dépense qui s'habille. Hein. Tous ces gens-là, je ne cherche pas, c'est tous, ils ont l'intérêt personnel derrière, tous. Et l'intérêt mondain, c'est pas pour Allah qu'ils font ça. Crois-moi bien. Ils seraient sincères pour Allah, ils feraient ça sans Jamaïa. Ils dépenseraient eux-mêmes de leur argent. Et t'as pas l'argent, mais il faut la relationner au fond. T'as pas les moyens, va pas te faire des problèmes. Tu peux faire d'avant ton pays, tu peux voyager. Le voyage, c'est bien, machallah. Mais t'as des relations, ils ne vont pas voyager dans tous les pays. Charles Bali, il est venu en France. Il ne voit pas Chabani. Pourtant, on connaît. Chabani, il était aux États-Unis. Je suis pas au courant s'il a été. Ils le connaissent ou ne le connaissent pas là-bas? Ils le connaissent. Allah, c'est bien la baraka ta dawa, où que tu sois, elle se propage. Une cassette, un livre, kaza wa kaza, les gens connaissent ta dawa. Non, eux, il faut que je vienne, faut que je sois sur place. Des fois, l'autre, il s'affole, tu ne connais même pas. Tu connais que dans ce mécanisme. Hein? Même d'ailleurs, ils vont voyager. Ah, ouais. Ils sont partis là-bas, là-bas, tu connais lui, tu vois. Et il mange que dans l'endroit où il est. Ah, ouais. Le problème, tu dis, ouais, tu connais plus les dit Allah. Il n'y a pas de baraka. Et aujourd'hui, on a plein de moyens comme Internet, sans aller trop loin, sans utiliser Facebook ou Twitter, des trucs comme ça, où il y a du façade. Tu peux faire du khayr sans avoir à bouger forcément. Si tu peux bouger, c'est bien. C'est bien quand un chéri vient en France ou quoi. Mais il faut le faire de façon licite. Sans moukharafa. Si des frères entre eux se cotisent, ils vont faire venir un chéri entre eux. Tu vois, on paye son billet et tout. Alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Mais qu'il y ait les gens, faites un don, on ramasse de l'argent pour avoir un compte en banque, comme ça quand il y a un dari qui vient, on lui paye tout. Mais ça se trouve, les gens, ils. Son dari, ils ne veulent pas le voir celui-là. Lui, il dit voilà, faites un don pour la Jamaïa. Il fait un don. Tiens, moi j'ai 100 euros. Et lui, après les 100 euros, eux, ils choisissent ce qu'ils veulent faire venir. Un derrière qui, je ne sais pas dans quel pays, et toi, pendant ce derrière-là, tu ne le sens pas. Tu dis, lui, tu ne sens pas, lui. Et avec ton argent, on fait venir. Tu vas rentrer, rendez-moi mon argent, je ne veux pas qu'il vienne avec mon argent, lui. On dit, bah non, ça y est, t'as donné. Hein. Quand tu as le hadith, celui qui donne, il regarde, celui qui récupère ce qu'il a donné, c'est comme si le chien qui mange dans son vomi. Dans le hadith, est musulman. Alors, quand tu n'es pas musulman. Après, pour ton argent, il faut ceux qui veulent avec. Tu dis, moi, je veux dire la da'wa. Et lui, il va faire une nouvelle peinture dans le masjid, par exemple. Ou je ne sais pas, l'autre truc. Je dis, mais c'est pas pour ça que j'ai voulu, j'ai mis 100 euros, c'est 200 euros, 300 euros. Ils font ce qu'ils veulent après. Le plus fort que des gens, ces gens-là. Et crois-moi bien qu'une grosse partie de l'argent est dans leur poche à pain, comme on dit. Si jamais on lui donne 100 euros, il y aura peut-être 60 pour lui et 40 dans ce qu'il vous a promis, peut-être. Un pauvre, deux pauvres que, parmi ses copains qu'il connaît, ou des gens qui peuvent lui apporter quelque chose. Et voilà. Il ne faut pas croire. Hein. Ces gens-là, ils croient bien que leur NIA, elle est facile. طيب بعيد ونعود إلى الموضوع يقول علفت في الدرس السابق أن جواب الشرط يقترين بالفاء في مواضع donc tu sais que comme avec إذا la réponse ou la conséquence de on va arrêter là plutôt parce que l'autre verse après on va arrêter là les mots sages comme ça c'est un peu long voilà Inch'Allah donc il a raté. Ce soir, à partir de bon, on commence à moins le quart. Combien de personnes n'en a pas là ? Moins le quart. Ça y est, 10 heures moins le quart. Bismillah. Non, on va arrêter là. Tu souhaites, Fiala ? Il y en a d'autres, hein ? Ah non, déjà, il y en a d'autres. Il n'y a pas que ceux-là. Il y en a d'autres. Là, la cité des principaux, les plus connus, il y en a d'autres. طيب فايلونا والحمد لله رب العالمين